Mark Emdan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux père Saint-Jean de la Croix. Traduction faite sur l'édition de Séville de 1702. Publiée, par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893. Licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Livre premier. Qu'appelle-t-on la nuit obscure ? Nécessité rigoureuse de la traverser pour parvenir à l'union divine. Il est particulièrement question de la nuit obscure des sens et des passions, et des dommages qui en résultent. Chapitre 1er. Exposition de la première strophe. On applique à la partie supérieure et à la partie inférieure les deux différentes nuits, auxquelles les personnes spirituelles sont généralement assujetties. Strophe 1. Pendant une nuit obscure embrasée d'un amour plein d'anxiété, oh, l'heureuse fortune, je sortis sans être aperçu, alors que ma demeure était pacifiée. L'âme chante dans cette strophe son heureuse fortune et son bonheur d'être sortie de tout le cré, et de s'être délivrée des appétits désordonnés et des imperfections qui résident dans la partie sensitive de l'homme. Par suite du dérèglement de la raison, pour avoir l'intelligence de cette doctrine, il est bon de savoir qu'une âme ne peut parvenir ordinairement à l'état de perfection sans passer par deux sortes de nuits principales, que les maîtres de la vie spirituelle nomment voie purgative ou purification de l'âme. Nous les appelons ici nuits, parce que, dans l'une et dans l'autre, l'âme marche pour ainsi dire au milieu d'une nuit obscure. La première nuit où purification se fait sentir dans la région sensitive de l'âme, on l'expliquera dans cette strophe et dans la première partie de cet ouvrage. La seconde nuit affecte les facultés spirituelles, il en sera question dans la seconde strophe et dans la deuxième partie. Du moins quant à ce qui touche l'opération active de l'âme, pour ce qui regarde son état passif, nous en ferons le sujet du livre intitulé « La nuit obscure ». Explication de la strophe. L'âme témoigne sommairement, dans cette strophe, de sa joie d'avoir vu tous ses liens brisés par le Seigneur. Elle dit qu'embrasée de son amour, elle est sortie pour ne chercher que lui pendant une nuit obscure. Cette nuit est la privation et la purification de tous ses goûts sensibles à l'égard des choses extérieures du monde. Au double point de vue des jouissances de la chair et de tout ce qui flattait sa volonté, ce travail s'opère par la purification des sens. Aussi l'âme a raison de dire qu'elle est sortie au moment où sa demeure, c'est-à-dire la partie sensible, était pacifiée. À l'heure où tous ses appétits étaient calmés et comme engourdis en elle, et qu'elle-même se trouvait en repos à leur endroit, en effet, il lui est impossible d'échapper aux peines et aux angoisses occasionnées par les passions. Avant que celle-ci ne soit morte, ou pour mieux dire endormie, ce fut pour l'âme une heureuse fortune de sortir sans être aperçue. En d'autres termes, sans qu'aucun instinct de la chair ou nul autre appétit pût l'entraver, elle se félicite également d'être sortie la nuit, c'est-à-dire lorsque Dieu l'a privée de tout ce qui tient au sens, car cette privation était une nuit pour elle, n'est-ce pas, je vous le demande, un vrai bonheur pour l'âme d'avoir été plongée par la main du Seigneur dans cette nuit. D'où résulte tant de bien et où ses efforts eussent été incapables de l'introduire, les seules forces de l'homme resteront toujours impuissantes à enlever les obstacles qui entravent l'union de son cœur avec Dieu, telle est en résumé l'explication de la strophe. Maintenant nous allons donner, sur chaque vers, le développement qui appartient à notre sujet. Les passages en latin sont supprimés sur cet enregistrement, la synthèse vocale, ne pouvant les lire correctement. Chapitre 2. Explication de ce qu'est la nuit obscure par où l'âme dit avoir passé pour arriver à l'union divine, quelles en sont les causes? Pendant une nuit obscure, La purification qui conduit l'âme à l'union divine peut recevoir la dénomination de nuit pour trois raisons. La première se rapporte au point de départ, car, en renonçant à toutes les choses créées, l'âme a dû tout d'abord priver ses appétits du goût qu'ils y trouvaient. Or ceci est indubitablement une nuit pour tous les sens et tous les instincts de l'homme. La seconde raison est la voie même qu'il faut prendre pour atteindre l'état bienheureux de l'union. Cette voie n'est autre que la foi, nuit vraiment obscure pour l'entendement. Enfin la troisième raison est le terme où l'âme tend, terme qui est Dieu, être incompréhensible et infiniment au-dessus de nos facultés, et qu'on peut appeler par là même une nuit obscure pour l'âme durant son pèlerinage ici-bas. Ces trois nuits à traverser par l'âme sont figurées au livre de Tobie par les trois nuits que, sur l'ordre de l'ange, le jeune Tobie laissa écouler avant de s'unir à son épouse. L'ange Raphaël lui commanda de brûler pendant la première nuit le foie du poisson, symbole d'un cœur affectionné et attaché aux choses créées. Quiconque désire s'élever à Dieu doit, dès le début, purifier son cœur dans le feu de l'amour divin et y consumer tout ce qui appartient au créé. Cette purification met en fuite le démon, qui auparavant avait puissance sur l'âme pour la faire adhérer au plaisir temporel et sensible. L'ange dit à Tobie que dans la seconde nuit il serait admis en la compagnie des saints patriarches, qui sont les pères de la foi. De même l'âme, après avoir traversé la première nuit, figurée par la privation de tout ce qui flatte les sens, pénètre sans obstacle dans la seconde, là, étrangère à tous les objets sensibles, elle demeure dans la solitude et la nudité de la foi, l'ayant choisi pour son unique guide. Enfin, pendant la troisième nuit il fut promis à Tobie une abondante bénédiction, dans le sens qui nous occupe, cette bénédiction est Dieu lui-même qui, à la faveur de la seconde nuit, c'est-à-dire de la foi, se communique à l'âme d'une manière si secrète et si intime, que c'est un autre genre de nuit pour elle, et même cette dernière communication a lieu dans une obscurité plus profonde que les précédentes, comme nous le dirons dans la suite. L'union avec l'épouse, c'est-à-dire avec la sagesse de Dieu, se consomme quand la troisième nuit est écoulée, nous voulons dire, lorsque cette communication de Dieu à l'esprit est achevée, aussi longtemps qu'elle s'opère, l'âme est ordinairement plongée dans les plus épaisses ténèbres. C'est pourquoi l'ange enjoignit à Tobie de s'unir à son épouse dans la crainte du Seigneur, après la troisième nuit. Quand la crainte est parfaite, l'amour divin l'est aussi, et la transformation de l'âme avec Dieu dans l'amour s'effectue sans retard. Pour avoir une plus claire intelligence de ceci, nous allons expliquer séparément chacune des trois causes énoncées plus haut. Mais remarquons d'abord que ces trois nuits n'en forment qu'une, divisée en trois parties. La première nuit, celle des sens, et comparé au crépuscule, ce moment où l'on commence à ne plus distinguer les objets entre eux, la seconde nuit, celle de la foi, est semblable à la pleine nuit, ou l'obscurité complète, enfin la troisième, comparée à la fin de la nuit, que nous avons dit être Dieu lui-même, précède immédiatement la lumière du jour. Chapitre 3. La mortification des passions sous toutes leurs formes est la première cause de cette nuit, commencement de l'explication. Nous appelons nuit la privation du goût que l'on peut trouver dans toutes les choses sensibles, en effet, comme la nuit est la privation de la lumière, et par conséquent de tous les objets qu'elle nous fait apercevoir, comme par cette privation la puissance visuelle demeure dans l'obscurité, dénué de tout objet, ainsi, on peut appeler nuit pour l'âme la mortification des appétits, car le retranchement de toutes les satisfactions créées les met dans le vide et dans l'obscurité, La puissance visuelle s'exerce au moyen de la lumière, et se nourrit des objets qui tombent sous sa vue, mais la lumière une fois éteinte, son action cesse. De même l'âme se nourrit et s'entretient par l'attrait qui la pousse vers les choses propres à faire jouir ses puissances. En mortifiant cet attrait, elle cesse de prendre son aliment dans les satisfactions sensibles, et elle demeure, relativement à ses appétits, dans l'obscurité et dans le vide. Donnons un exemple en rapport avec chacun des sens. L'âme, en renonçant à ses inclinations dans les plaisirs qui flattent le sens de l'ouïe, établit ce sens dans l'obscurité et le dénuement, en privant la vue de tout ce qui pouvait la contenter, elle la place dans les ténèbres et dans le vide, et ainsi des autres sens. Par conséquent, l'âme qui aurait repoussé et éloigné d'elle toutes les satisfactions créées, en crucifiant à leur égard tous ses appétits, serait, pour ainsi dire, plongée dans une nuit obscure, c'est-à-dire dans un vide universel par rapport à tout ce qui est créé. La raison de ceci, selon les philosophes, est que l'âme, au moment où Dieu l'unit au corps, est semblable à une table rase sur laquelle il n'y a rien de gravé, elle n'a aucun moyen naturel d'acquérir une connaissance quelconque, si ce n'est par les sens. L'âme est donc semblable à un prisonnier retenu dans un cachot obscur, d'où il ne distingue rien, excepté ce qu'il peut entrevoir par les soupiraux de sa prison. Ôtez-lui ce moyen, il ne verra absolument rien par ailleurs. De même, si l'âme ne percevait aucune connaissance par les sens, qui sont les fenêtres de sa prison, elle ne pourrait en acquérir naturellement par aucune autre voie. Renoncer aux notions qui viennent des sens et les rejeter, c'est évidemment se placer dans l'obscurité et dans le vide, car, nous le répétons, la lumière ne peut, selon les lois de la nature, lui arriver par un autre moyen. À la vérité, l'âme ne saurait s'empêcher d'entendre, de voir, de sentir, de goûter et de toucher. Néanmoins, si elle refuse de faire usage de ses secours, elle ne fait pas plus d'estime de ses sens et n'en est pas plus entravée que si elle ne les possédait pas, comme celui qui veut fermer les yeux se plonge dans l'obscurité et ressemble à un aveugle. David dit dans le même sens, « Je suis pauvre et dans les travaux de ma jeunesse. » Cependant, on le sait, le roi prophète était riche, mais il se nomme pauvre, parce que sa volonté était dégagée des richesses, et son détachement aussi absolu que s'il eût été réellement indigent. Bien au contraire, pauvre en réalité sans l'être par la volonté, il n'eût pas été véritablement pauvre, puisque son âme aurait été riche en désir. Nous avions donc raison de le dire, le dénuement est une nuit pour l'âme. Or, nous n'entendons pas parler ici de la pauvreté matérielle qui ne dépouille pas le cœur avide des biens de ce monde, mais nous nous occupons du dégagement intérieur qui le laisse libre et vide de tout, au sein même de l'opulence. En effet, les richesses et les possessions terrestres ne sauraient nuire par elles-mêmes, car elles ne font pas partie de l'âme. Ce qui lui est nuisible, c'est la volonté et l'affection qui la portent vers ces mêmes biens. Cette première sorte de nuit concerne la partie sensitive de l'homme. Nous allons expliquer maintenant comment il convient que l'âme sorte de sa demeure pendant la nuit obscure des sens, afin d'arriver à l'union divine. Chapitre 4. Nécessité rigoureuse de passer par la nuit obscure des sens, qui est la mortification des passions, avant de parvenir à l'union divine. Pour atteindre cet état sublime de l'union, il est indispensable de traverser la nuit obscure de la mortification des appétits et du renoncement à toutes les jouissances de ce monde. Les affections qui tendent à la créature sont devant Dieu comme de pures ténèbres, et tant que l'âme y est plongée, elle se rend incapable d'être illuminée revêtue des pures et simples clartés de la divinité, la lumière est incompatible avec les ténèbres. Comme saint Jean nous l'affirme en disant que les ténèbres ne purent recevoir la lumière, in Jean 1, 5. La raison n'est que deux contraires, selon l'enseignement de la philosophie, ne peuvent subsister à la fois dans un même sujet, or les ténèbres, qui sont l'attachement aux créatures, et la lumière, qui est Dieu, sont contraires et dissemblables. C'est la pensée de saint Paul écrivant aux Corinthiens, qu'est peu, il y avoir de commun entre la lumière et les ténèbres, citation, 2 Corinthiens, 6, 14, aussi l'âme n'est pas apte à recevoir la lumière de l'union divine, si elle ne commence par rejeter loin d'elle toutes ses affections, et pour donner plus d'évidence à cette doctrine. Il est bon de faire remarquer que l'affection de l'âme pour la créature l'assimile à cette même créature, plus cette affection est grande, plus la ressemblance grandit aussi, le propre de l'amour, est de faire celui qui aime, semblable à celui qui est aimé, David, parlant de ceux qui plaçaient leur amour dans leurs idoles, dit à cette occasion, que ceux qui les font leur deviennent semblables, avec tous ceux qui mettent en elles leur confiance. Citation du psaume 209, 8, celui-là, donc qui aime une créature s'abaisse au niveau de cette créature, et descend pour ainsi dire plus bas, non seulement l'amour égalise les rangs, mais encore il assujettit l'amant à l'objet de son amour, quand l'âme aime quelque chose en dehors de Dieu, elle se rend par là même incapable d'être transformée en Dieu, et purement unie à lui, la bassesse de la créature est infiniment plus éloignée de la souveraineté du Créateur que les ténèbres ne le sont de la lumière, toutes les choses de la terre ou du ciel comparées à Dieu ne sont rien. Comme le dit Jérémie, « J'ai regardé la terre, c'était un vide et un néant, j'ai considéré les deux, et ils étaient sans lumière, citation de Jérémie, 4, 23, en disant, « J'ai trouvé la terre vide. » Il donne à entendre que toutes les créatures et la terre elle-même ne sont rien, en ajoutant, « J'ai contemplé le ciel et je n'y ai vu aucune lumière. » Il veut dire que toutes les splendeurs célestes comparées à Dieu sont de pures ténèbres, dès lors que toutes les créatures ne sont rien, les inclinations qui nous portent vers elles sont moins que rien, nous pouvons l'affirmer, puisqu'elles sont une entrave pour l'âme, et la privent du bienfait de la transformation en Dieu. De même, les ténèbres ne sont rien et moins que rien, car elles sont la privation de la lumière, l'aveugle, plongé dans l'obscurité, ne comprend rien à la lumière, ainsi l'âme qui met son affection dans la créature n'aura pas l'intelligence des choses divines et demeurera ensevelie dans cette ignorance, jusqu'à son entière purification, elle ne pourra posséder Dieu ici, bas par la pure transformation de l'amour, ni là-haut dans la claire vision, pour donner plus de jour à cette doctrine. Entrons dans quelques détails. Tout l'être des créatures comparé à l'être infini de Dieu n'est rien, d'où il résulte que l'âme dont les affections se dirigent vers le créé est un pur néant devant lui, et, j'ose le dire, moins que le néant, puisque l'amour assimile, rend égal à l'objet aimé et fait même descendre plus bas celui qui aime, cette âme si affectionnée aux créatures ne pourra donc en aucune manière s'unir à l'être infini de Dieu, parce qu'il ne peut y avoir de convenance entre ce qui n'est pas et ce qui est, toute la beauté des créatures comparée à l'infinie beauté de Dieu n'est qu'une souveraine laideur, selon le sentiment de Salomon dans les Proverbes, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, citation, 31. 30. C'est ainsi que l'âme captivée par les charmes d'une créature quelconque participe devant Dieu à la laideur de celle-ci, et ne peut aucunement se transformer en la vraie beauté, qui est Dieu. La laideur est de tout point incompatible avec la beauté, comparée aux perfections de Dieu. Toutes les grâces et tous les attraits enchanteurs des créatures sont difformes et insipides, l'âme subjuguée par leurs charmes et leurs agréments devient elle-même disgracieuse et désagréable aux yeux de Dieu. Elle est donc incapable de s'unir à sa ravissante beauté, la difformité naît. Elle passe séparée par une immense distance de celui qui est l'éternelle beauté, toute l'excellence des créatures mise en parallèle de la bonté infinie de Dieu paraît plutôt malice que bonté, personne n'est bon si ce n'est Dieu. Citation de Luc 18, 19. L'âme, en attachant son cœur au bien de ce monde, devient vicieuse au regard du souverain juge, et comme la malice ne peut pas entrer en communion avec la bonté, ainsi cette âme ne pourra s'unir parfaitement au Seigneur, qui est la bonté par essence, toute la sagesse du monde, toute l'habileté humaine comparée à la sagesse infinie de Dieu sont une suprême et pure ignorance. Saint Paul l'enseigne aux Corinthiens, la sagesse du monde est une folie devant Dieu, Deutéronome, 1 Corinthiens, 3, 19. L'âme qui s'appuie sur sa science et sur ses propres forces pour parvenir à l'union avec la sagesse divine, est complètement ignorante en sa présence, elle sera toujours fort éloignée de la véritable sagesse, dont l'ignorance est l'extrême opposé. Qu'elle n'est donc pas au jeu de Dieu la folie de ceux qui s'estiment savants. L'apôtre, en parlant de ces hommes, a eu raison de dire aux Romains, « Ils sont devenus fous en s'attribuant le nom de sages » Romains 1, 22. Ceux-là seuls possèdent la sagesse divine qui, semblable aux enfants et aux ignorants, renonce à leur science pour avancer avec amour dans le service divin. Saint Paul nous apprend encore cette sorte de sagesse en disant, « Que nul ne se trompe soi-même, si quelqu'un d'entre vous pense être sage selon le monde, qu'il devienne fou pour être sage, car la sagesse du monde est folie devant Dieu. » Citation 1 Corinthiens 3, 18, 19. Par conséquent, l'âme s'unira à la sagesse divine bien plus tôt par le non-savoir que par la science. Toute la puissance et toute la liberté du monde, comparées avec la souveraineté et l'indépendance de l'Esprit de Dieu, sont une complète servitude, une véritable angoisse et une réelle captivité. L'âme est prise des grandeurs et des dignités, ou trop jalouse de la liberté de ses convoitises, et comme liée devant Dieu, qui la traite non plus en enfant libre, mais en esclave captive de ses passions, elle n'a pas voulu se conformer aux préceptes de l'Évangile. Celui qui veut être le plus grand doit se faire le plus petit. La véritable liberté de l'esprit, fruit de l'union divine, ne sera donc jamais le partage de cette âme esclave de ses désirs. La servitude est incompatible avec la liberté dont jouit le cœur libre, qui est celui de l'enfant légitime. C'est en ce sens que Sarah dit à Abraham, son époux, de chasser hors de la maison l'esclave et son enfant, chasse la servante et son fils, car le fils de la servante ne peut pas partager l'héritage avec mon fils Isaac. In, Genèse, 21, 10. Que sont les délices et les douceurs que la volonté savoure dans les choses de la terre, si on les compare aux joies et aux délices de l'union divine, rien que peine, tourment et amertume. Ainsi, celui qui attache son cœur au plaisir d'ici-bas est justement condamné par le Seigneur au remords et à la souffrance. Jamais il ne pourra goûter les suavités d'une intime conformité avec Dieu. Toute la gloire et toutes les richesses des créatures, comparées aux trésors inépuisables du Tout-Puissant, ne sont que profonde misère et extrême pauvreté. L'âme affectionnée à la possession des choses terrestres est souverainement pauvre et misérable devant Dieu, elle ne parviendra jamais au bienheureux état de la gloire, c'est-à-dire à la transformation en Dieu, car une distance infinie sépare la misère et l'indigence de celui qui est la richesse et la puissance même, la sagesse divine se plaignant des âmes qui sont tombées dans la laideur, la vilenie, la misère et la pauvreté, par suite de l'affection qu'elle portait à ce qui est élevé, grand et beau selon l'appréciation du monde, leur parle ainsi dans les proverbes, « Ô homme, je crie vers vous et ma voix s'adresse aux fils des hommes. Apprenez, petits enfants, ce qu'est la sagesse, et vous, insensés, faites attention, écoutez parce que c'est de grandes choses que je vais parler, avec moi sont les richesses et la gloire, la magnificence et la justice, le fruit que je porte vaut mieux que l'or et les pierres précieuses, et ce que j'engendre est meilleur que l'argent le plus pur, je marche dans les voies de la justice, au milieu des sentiers de la prudence, pour enrichir ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. » Proverbe 8, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21. La divine sagesse s'adresse ici à tous ceux qui mettent leur cœur et leur affection dans les créatures, elle les appelle de petits enfants parce qu'ils se rendent semblables à l'objet de leur amour, qui est petit, elle les invite à approfondir ses secrets et à considérer que son action s'applique aux grandes choses, mais non pas aux petites comme la leur. C'est avec elle et en elle que se trouve la gloire et les vraies richesses qu'il souhaite, et non pas là où il les suppose, la magnificence et la justice lui sont inhérentes, et elle exhorte les hommes à réfléchir sur la supériorité de ses biens en regard de ceux du monde, qui leur paraissaient grands et équitables, elle leur dit, d'estimer le fruit qu'ils en recueilleront préférable à l'or et aux pierres précieuses. Enfin, d'apprécier ses effets au-dessus de l'argent le plus pur, objet de leur convoitise, on entend par l'argent le plus pur tous les genres d'affection possibles en cette vie. Chapitre 5. Suite du même sujet, preuve tirée de l'autorité et des figures de la Sainte Écriture pour démontrer combien il est nécessaire d'aller à Dieu, par le moyen de cette nuit obscure de la mortification des sens. On connaît maintenant quel est l'abîme qui sépare les créatures du Créateur, et comment les âmes qui veulent mettre en celle-ci leur affection se trouvent d'autant éloignées de Dieu. Saint Augustin avait bien compris cette vérité lorsqu'il disait au Seigneur dans ses soliloques, « Misérable que je suis, quand donc ma petitesse et mon imperfection pourront-elles s'accorder avec votre droiture, Seigneur, vous chérissez la solitude, et moi je me plais au milieu du tumulte, vous aimez le silence, et moi le bruit, vous êtes la pureté même, je ne suis que corruption, que vous dirai-je de plus, Seigneur, vous êtes véritablement bon, et moi je suis mauvais. Vous êtes miséricordieux, et moi impie, vous êtes saint, moi misérable, vous êtes juste, moi injuste, vous êtes la lumière, et je suis aveugle, vous êtes la vie, et moi la mort, vous êtes le remède, moi le malade, vous êtes la souveraine vérité, et je ne suis que vanité, in, abemigne, patrologia latina, tome. 40, page 866, 2. Le saint docteur tenait ce langage au souvenir des attraits qu'il avait inclinés vers la créature. C'est donc une grande ignorance de la part de l'âme d'oser aspirer à ce degré si élevé de l'union avec Dieu, avant d'avoir dégagé sa volonté des biens naturels et surnaturels auxquels l'amour propre pouvait l'attacher, la distance naît. Elle passe incommensurable entre ces choses et le don que l'on reçoit dans l'état de pure transformation en Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'enseigne par Saint Luc, Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Citation 14, 33. Vérité évidente, puisque la doctrine que le Fils de Dieu est venu apprendre au monde est précisément celle du mépris de tout ce qui est créé, afin de nous rendre capables de recevoir le don de l'Esprit de Dieu, par une entière transformation, dont l'âme encore captivée par ses faux biens se rend indigne. Nous trouvons une figure de cette vérité au livre de l'Exode, où nous lisons que la farine apportée d'Égypte par les enfants d'Israël venant à leur faire défaut, la divine majesté leur envoya à la manne du ciel. In, Exode, 6:4. Le Seigneur nous apprend ainsi à renoncer en premier lieu à toutes les choses créées, parce que l'aliment des anges ne se donne pas à l'âme qui veut chercher une certaine satisfaction dans la nourriture qui lui vient des hommes. Non seulement l'âme, dont l'affection se nourrit ainsi des biens qui lui sont étrangers, se rend incapable de goûter la suavité de l'Esprit de Dieu, mais elle le contriste encore souverainement, tout en prétendant se rassasier de la nourriture spirituelle, elle ne se contente pas de Dieu seul, mais veut en outre conserver le goût et l'affection des choses de la terre. La Sainte Écriture nous en fournit la preuve dans ses paroles, qui nous donnera de la chair à manger, les Nombres, 11, 4. Les Israélites, peu satisfaits de la manne, cette nourriture si simple, se mirent à désirer et à demander de la chair, or, le Seigneur s'irrita profondément contre ceux qui voulaient ainsi allier un aliment vil et grossier avec une nourriture toute céleste, dont la simplicité même renfermait la saveur de tous les aliments. Aussi David nous dit, il que ces viandes étaient encore dans leur bouche, lorsque la colère de Dieu éclata sur eux, et le feu du ciel en consuma plusieurs milliers. In, Psaume 77, 30. Si violente fut l'indignation du Seigneur en les voyant désirer une grossière nourriture, alors qu'il leur en distribuait une qui venait du ciel même, ah, si les âmes adonnées à la spiritualité considéraient l'abondance des faveurs et des biens spirituels dont elles se privent. En refusant de dégager entièrement leur volonté des bagatelles de ce monde comme elles trouveraient dans cette simple nourriture de l'esprit le goût de toutes les meilleures choses, si elles ne cherchaient pas à en savourer d'autres, hélas par leur persistance à ne pas vouloir s'en contenter, elles se rendent indignes d'en apprécier la délicatesse. Les Israélites ne découvrirent pas les saveurs variées que renfermait la manne. Toutefois, s'ils ne trouvèrent pas en elle la force et le goût conforme à leurs désirs, ce n'est pas à dire qu'elle en fut dépourvue, mais le vrai motif, c'est qu'ils ne concentrèrent pas leurs désirs en cette seule nourriture. Celui dont l'amour se partage entre la créature et le Créateur témoigne son peu d'estime pour celui-ci. Il ose mettre dans la même balance Dieu et un objet qui en est infiniment éloigné. On sait par expérience que la volonté, lorsqu'elle s'affectionne à un objet, le préfère à tout autre qui serait meilleur en soi, mais satisferait moins son goût. Si elle veut jouir de l'un et de l'autre à la fois, elle fera nécessairement injure à celui des deux qui est supérieur, par l'inique égalité qu'elle établit entre eux. Or, comme rien sur la terre ne peut se comparer à Dieu, l'âme lui fait injure quand, avec lui, elle aime autre chose et s'y attache. Que sera-ce donc si elle vient à aimer cet objet plus que Dieu? Nous voyons au livre de l'Exode un exemple qui vient à l'appui de notre sujet. Lorsque Dieu commanda à Moïse de monter sur la montagne de Sinaï pour converser avec lui, non seulement il lui ordonna d'y venir seul et de laisser au bas les enfants d'Israël, mais il lui défendit de faire paître les troupeaux en vue de la montagne. Exode 34, 2. Apprenons par là que l'âme désireuse de gravir la montagne de la perfection pour entrer en communication avec le Seigneur doit renoncer premièrement à tous les biens de la terre, puis ensuite à toutes ses inclinations, que l'on compare ici aux animaux. Elle ne doit pas leur permettre de venir être en vue de la montagne, c'est-à-dire parmi les choses qui ne sont pas exclusivement celles de Dieu, en qui seuls les désirs trouvent leur rassasiement, alors que l'état de perfection est consommé. Pendant l'ascension de cette montagne, il est d'une nécessité rigoureuse de réprimer par un soin incessant toutes les mauvaises tendances de la nature. Plus l'âme sera courageuse à s'en défaire, plus tôt elle arrivera à son but, et tant qu'elle les laissera subsister, en vain prétendra-t-elle atteindre au sommet, elle aura beau d'ailleurs se livrer à l'exercice des vertus, il lui sera impossible de les acquérir dans leur perfection, qui consiste exclusivement dans le vide, le dépouillement et la purification complète de tous les désirs imparfaits. On lit dans la Genèse que le patriarche Jacob, voulant monter sur le mont Bethel, pour y élever un autel au Tout-Puissant et lui offrir des sacrifices, recommanda trois choses à tous les gens de sa maison. La première, de rejeter loin de tous les dieux étrangers. La seconde, de se purifier. Et la troisième, de changer leurs vêtements. Citation, Genèse 35, 2. Ces trois dispositions nous indiquent les devoirs de l'âme qui prétend gravir la montagne de perfection, et y faire d'elle-même un autel pour offrir à Dieu le triple sacrifice d'une louange respectueuse, d'une profonde adoration et d'un amour très pur. Pour parvenir sûrement à la cime de cette montagne, elle doit avoir accompli préalablement et dans leur entier les trois commandements que nous venons de rapporter. D'abord, rejeter tous les dieux étrangers, qui sont les attaches et les affections du cœur. Ensuite, se purifier, par la nuit obscure des sens, du levain que ces affections ont déposé en elles, et par son repentir y renoncer complètement. Enfin, changer de vêtements, c'est après avoir accompli les deux premières conditions, que Dieu lui-même remplacera ses anciens vêtements par de nouveaux, en lui ôtant l'intellect du vieil homme, il lui donnera, sur la notion de son être, une nouvelle connaissance puisée en lui-même, la volonté, dépouillée de toutes ses anciennes affections et des inclinations naturelles, recevra un amour nouveau, et c'est alors qu'elle saura aimer Dieu en Dieu. Dans cet heureux état, une nouvelle connaissance et des délices incompréhensibles seront communiquées à l'âme. Toutes ses anciennes conceptions ayant été rejetées, tout ce qui tenait en elle du vieil homme sera détruit, ses aptitudes naturelles seront remplacées par une force surnaturelle, qui revêtira toutes ses facultés. De manière que l'opération de l'âme se transformera et s'élèvera de l'ordre humain à l'ordre divin, tel est le résultat de cet état d'union dans lequel le cœur devient un autel où Dieu seul habite, et reçoit un sacrifice d'adoration, de louange et d'amour. Le Seigneur avait prescrit que l'autel où les sacrifices lui seraient offerts fût creux et vide à l'intérieur, Exode 27, 8. Afin de nous faire comprendre combien notre cœur doit être dénué et vide de tout, pour devenir un autel digne de servir de demeure à la majesté divine, sur cet autel dont le feu ne devra jamais s'éteindre. Il était interdit de brûler un feu étranger et profane, et parce que Nadab et Abihu, fils du grand prêtre Aaron, transgressèrent cette défense, le Seigneur irrité les frappa subitement de mort devant l'autel même. In, Lévitique, 10, 1. Toute âme qui aspire sincèrement à être un autel digne de Dieu comprendra que les vives flammes de la charité ne doivent jamais s'éteindre en elle, ni souffrir le mélange d'aucun amour profane, Le Seigneur est un Dieu trop jaloux pour permettre à un autre de résider avec lui sur le même autel. Au premier livre des Rois, il est rapporté que les Philistins avaient placé l'arche du Testament dans le temple avec leur idole. Chaque matin, cette dernière était renversée par terre. Enfin, un jour, ils la trouvèrent brisée en 1000 pièces. Le seul désir que le Seigneur admet avec lui dans une âme, c'est de garder parfaitement la loi divine, et de porter la croix de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait défendu de conserver dans l'arche où était la manne d'autres objets que le livre de la loi, Deutéronome 31, 26, et la verge d'Aaron image de la croix, les nombres 17, 10. Ainsi l'âme dont l'unique prétention est de garder parfaitement la loi du Seigneur et de porter la croix du Christ, deviendra l'arche vivante, qui renfermera la vraie manne, le Seigneur lui-même.